Bonjour à tous, vous y êtes habitués, à chaque nouveau numéro de votre podcast préféré, vous avez le droit à une intro à la fois ficelée, bien écrite et passablement drôle, mais aujourd'hui exceptionnellement on s'en fout, on est champion du monde, on a battu l'Angleterre 4-2, oui pour moi c'était l'Angleterre en finale, alors retournez sur votre île pourrie avec vos rookies nideuses et alcooliques. Ça, c'était le moment sexiste. Autant vous le dire tout de suite, cet épisode sera entièrement consacré au titre des Bleus. On est ensemble pour plus de 2 heures d'analyse sur le match de la France et on retrouvera notre correspondant en direct de Russie. Ou alors, on peut faire plus classique et parler des dernières sorties du cinéma vues par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 9. Aujourd'hui, un programme qui ne donne pas envie d'avoir des enfants, puisque nous parlerons de Tully, des Indestructibles 2 et de JSA pour Joint Security Area. Autour de moi, j'ai mon équipe de championnes du monde, à savoir Mbappé, Di Marine, Griezmann alias Sarah, Varane aussi appelé Armand, Camille qu'on connaît mieux sous le nom de Pogba. Au micro, c'est Guillaume et vous pouvez aussi m'appeler Olivier Giroud, puisque ce brave garçon a suivi mon modèle de vie, ne rien foutre et récolter les lauriers. Cette semaine, aucun courrier de lecteur, vous étiez sans doute occupé à soutenir la France, mais n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page Facebook, c'est quoi le pitch ? Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil, et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot truc entendra cette sonnerie, et se verra retirer la parole immédiatement. On commence par JCA, JSA, Joint Security Area, écrit en 2000, c'est-à-dire l'année où on a gagné l'euro, oui. Tout se regroupe, et écrit par 4 personnes dont je ne vais seulement dire les noms de famille, c'est-à-dire Jong, Kim, Lee, Park et un autre Park. Voilà. Et c'est Marine qui nous le pitch. Oui, donc JSA pour Joint Security Area, qui est donc là où l'action se situe, l'endroit où se situe l'action du film, je vais le refaire. Donc en fait, dans cette zone-là, sont échangés des coups de feu entre l'armée du Nord, l'armée de la Corée du Nord et l'armée de la Corée du Sud, et on retrouve 2 soldats de la Corée du Nord qui ont été abattus et un soldat de la Corée du Sud qui apparemment les aurait tués et qui explique avoir été enlevé. Et pour éviter une escalade du conflit, les Nations Unies font appel à une commission donc neutre, et ils envoient une jeune femme qui est de l'armée suisse, mais qui en fait est d'origine coréenne et qui est chargée d'enquêter sur ces meurtres. Et en fait, ce qu'on va découvrir via un long flashback ou via plusieurs flashbacks, c'est que c'est l'amitié en fait qui s'est nouée entre 2 soldats de Corée du Sud et 2 soldats de Corée du Nord qui sont tous les 4 en faction dans des postes qui sont l'un en face de l'autre, et comment donc cette amitié s'est nouée et comment ils en sont arrivés à ce meurtre de 2 soldats nord-coréens et qui en fait est dû à la fin ils se font découvrir ici le conflit en fait entre les 2 Corées prend toute son ampleur et ça se termine tragiquement par le suicide des 2 soldats sud-coréens. C'est vrai. Sarah, qu'as-tu pensé de ce film ? Moi, j'ai trouvé que c'était un film très surprenant et très attachant, avec un sujet très fort qui est donc l'amitié entre les soldats du Nord et les soldats du Sud. J'ai trouvé que c'était très intelligent de le traiter de manière totalement neutre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais du côté du... On est un peu plus peut-être du côté du Sud, mais même pas, en fait. C'est-à-dire qu'on s'attache autant aux 2 personnages, aux 2 groupes de personnages qui sont tous très bien caractérisés. Je trouve que le rôle de Sophie Jean est aussi très bien mis en valeur, que c'est un personnage de femme forte qui, elle aussi, a quelque chose dans ses origines, puisqu'elle sait que son père était un soldat coréen, mais elle ne sait pas si c'était un soldat de Corée du Nord ou Corée du Sud, donc elle aussi va apprendre quelque chose lors de cette enquête. Et donc elle mène l'enquête sur, en gros, pourquoi le soldat Lee a tiré sur 3 personnes, même s'il dit, comme disait Marine, qu'il s'est fait enlever, etc. C'est très surprenant parce qu'on ne s'attend pas du tout à une vraie bromance. C'est-à-dire qu'on glisse dans des flashbacks vers cette histoire d'amitié, alors qu'au début, justement, je trouve que l'exposition est assez lente, que ça commence vraiment comme un polar très classique, que c'est très gros sabots avec les généraux qui succèdent, qui démarrent l'enquête, etc. Donc on ne s'attend pas à glisser comme ça vers une histoire en fait où l'un a sauvé la vie à l'autre et où ils sont devenus potes parce qu'ils s'ennuient dans cette zone où ils n'ont rien à faire à part observer l'autre sans savoir aucun secret militaire et sans avoir aucune instruction. Donc je trouve que c'est un film extrêmement réussi. en tout cas sur les points très positifs du film. Je trouve qu'en plus, il y a beaucoup d'humour, que tous les gags entre Coréens du Nord, Coréens du Sud sont réussis aussi. Ouais, c'est un autre point dont je voulais parler, c'est justement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'humour en fait, à ce point-là. Dans ce film, il y a vraiment des scènes, notamment il y a une scène où ils sont amis depuis quelques temps et ils se retrouvent l'un en face de l'autre en faction avec juste une petite ligne qui les sépare et ils essayent de se faire rire l'un l'autre en se crachant dessus pour se faire perdre un peu le contrôle, enfin faire un peu craquer les nerfs, et c'est très inattendu dans un film d'enquête de meurtre comme ça dans une zone en plus la DMZ de Corée, enfin c'est assez inattendu je trouve dans un film comme ça, on s'attend pas à ça. Et par rapport à ce que tu disais sur la bromance, il y a une scène moi qui m'a beaucoup marquée, c'est la scène où il a l'habitude en fait, les soldats sud-coréens ont l'habitude d'amener des produits de Corée du Sud, donc américains, aux soldats de Corée du Nord. Et souvent, ils leur amènent des gâteaux au chocolat, enfin des petits gâteaux dans des sachets, là, que les Nord-Coréens adorent et ils en mangent pas mal. Et donc, jusque-là, on a vraiment cette super ambiance, ils s'entendent bien, ils festoient, enfin voilà, c'est assez cool, malgré cette espèce d'épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête s'ils se font découvrir. Et là, il y a un des soldats sud-coréens qui est pris, donc le personnage principal qui est un peu pris dans cette ambiance et qui leur dit mais en fait, est-ce que vous avez pas envie de passer au sud, parce que nous on peut vous faire passer. Et en fait j'ai trouvé cette scène vraiment forte parce que c'est le moment où tout change juste sur cette phrase, c'est que non en fait c'est impossible pour eux, ils restent quand même nord-coréens. Et là on voit le personnage du soldat nord-coréen qui carrément recrache le gâteau au chocolat qu'il avait dans la bouche, donc le gâteau américain, en lui disant mais jamais quoi. Et en fait on a vraiment ces deux dimensions de ouais, il y a la bromance, c'est cool, et en fait derrière non, il y a un contexte politique de tension vraiment dramatique qui est très fort et qui je trouve est symbolisé par cette scène et qui après explique vraiment la fin du film où ils restent malgré tout des soldats et qui défendent deux pays, enfin un pays divisé. Et c'est, je trouve que le film prend une dimension qui venant de la comédie en fait est très très forte quoi, dépasse vraiment ça en fait. Enfin, c'est surtout que les soldats ou les gens qui voulaient passer du nord au sud, fallait qu'ils passent avec toute leur famille, parce que si eux ils passaient, après la Corée du Nord tuait toute leur famille. Donc c'est il dit non, parce que c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce personnage. Au début, moi, j'ai cru qu'il jouait la comédie, surtout dans la scène où ils font la confrontation avec Sophie Jean, les deux, et qu'il dit, mais vive Kim Jong-il, il tabasse son pote, il sait que son pote me fait. Vraiment, je lui dis, ah, il joue la comédie devant ses amis pour dire non, moi, c'est pas Corée du Nord. Alors que cette scène, il est tout seul, il aurait pu dire la vérité. Mais est-ce que là, vous pensez qu'il... Il n'est pas tout seul, je crois qu'il y a plusieurs généraux qui sont dans la salle. Celui où, ils ont une confrontation. Je parle vraiment de la scène avec le gâteau. Ah, pardon. Où il est tout seul avec ses amis. Là, il aurait pu dire, oui, je passe. Est-ce que moi, je ne pense pas qu'il a été caractérisé comme ça. Moi, j'avais l'impression que c'était très sincère. Je ne suis pas sûr. Justement, c'est un soldat nord-coréen et qu'il reste un soldat nord-coréen et qu'il ne va pas trahir les valeurs qu'on lui a quand même bien lessivées dans le cerveau. Pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Moi, c'est le personnage, il est extrêmement intelligent. D'ailleurs, à la fin, c'est le seul qui s'en sort. Des quatre, c'est le cinquième. Et à la fin, je crois qu'on le voit, il est toujours en poste de garde et tout. Et lui, il a réussi. Lui, il sait ce qu'il faut faire pour survivre quand il y a le massacre. Et à la fois, il est coincé dans son rôle. Il est coincé, mais c'est lui qui dit, bon, écoute, toi, t'es jamais venu. Toi, tu vas dire que c'est toi t'as tiré. C'est lui qui a le cœur au sang froid. Et c'est le seul qui s'en sort. Pour moi, c'est le personnage de loin le plus intéressant. Donc, tu parles du sergent Ho, qui est donc le sergent nord-coréen. C'est ça. Qui, quand il avale le gâteau au chocolat, dit, c'est pas du tout ça. Enfin, je veux pas devenir américain ou sud-coréen ou que sais-je. C'est, je vais juste croire en mon pays jusqu'au bout pour qu'un jour, ils aient des gâteaux au chocolat aussi bons que ceux que tu m'apportes tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est assez joli, en fait. Il est très fier, quand même, de son... Il te le montre hein, plusieurs fois. Il n'arrête pas de leur dire, parce qu'il lui amène aussi de la musique sud-coréenne. Et il lui dit, ouais, mais vous n'avez pas de bons chanteurs. Enfin, il est quand même très, très fier de ce qu'ils ont en Corée du Nord. Donc, moi, je l'ai vraiment pris comme un moment où, il a son quand même sa valeur de soldat de Corée du Nord qui remonte. Il est patriote, quoi. Et que oui, il peut être copain. Il peut avoir une amitié très forte avec ses soldats sud-coréens, parce que c'est une amitié entre hommes, mais quand ça passe au niveau politique, au niveau des soldats et du conflit, là non, il redevient ce pourquoi il est là. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est toute la montée en puissance entre guillemets de cette amitié quoi. C'est-à-dire quand la scène où les sud-coréens se perdent dans l'espèce de champ, lui, quand ça commence parce qu'il allait pisser et il s'est perdu, il marche sur une mine, la scène de la mine est vraiment super bien, et après il s'échange des messages en s'envoyant avec des cailloux, avec des messages dedans, et à un moment il vient et dit, parce que je t'ai dit viens, mais comme on dit à quelqu'un, oui bah passe chez moi si tu veux, il dit mais qui sera assez con pour venir, et ça commence comme ça, et toute la montée en puissance est vachement bien graduée, puisqu'on arrive jusqu'au bout, et c'est là la scène scène où ils se tuent entre eux, justement, à la fin en plus on apprend que c'est le personnage principal, Lee, qui a tué l'autre, alors que pendant tout le film on a cru que c'était son compagnon, donc en disant ah bah c'est lui qui est moins important, mais en fait le film, même les flashbacks nous ont menti en fait, dans un certain point. Et d'ailleurs je voudrais revenir sur les flashbacks, est-ce qu'on sait vraiment que le personnage de Sophie Jean, si on l'enlève du film, et si le film n'était que l'histoire des flashbacks, est-ce que ça aurait changé quelque chose ? Bah oui, c'est elle, la colonne vertébrale du film, c'est elle qui mène l'enquête et qui fait avancer l'action. Après, je suis d'accord avec toi sur ces flashbacks, ils sont évidemment nécessaires au film, mais ils sont pas toujours bien déclenchés, c'est-à-dire qu'ils sont souvent déclenchés via des raccords, donc par la mise en scène, mais c'est jamais justifié dramaturgiquement. Et après, moi, sur le film, même si j'ai beaucoup aimé, j'avais deux questionnements qui sont sur la fin. En fait, je ne comprends pas pourquoi le sergent Jong, c'est-à-dire le sud-coréen, tire sur ses amis nord-coréens, parce qu'il aurait suffi de buter le mec qui les surprend, et personne n'aurait jamais rien su. Et du coup, on se dit, oui, mais c'est un réflexe, mais il tue son meilleur ami, il vient de lui offrir des crayons pour dessiner, parce qu'il sait qu'il adore dessiner. Et il le met en joue. Et c'est son anniversaire, en plus. Et c'est son anniversaire. Ah, mais il le met en joue. Il le met en joue, mais c'est quand même, il aurait suffi de tirer, ils s'en font découvrir, en fait, c'est ça qui crée tout le drame, par un soldat nord-coréen. Il aurait suffi d'assassiner ce soldat-là, de la part des sud-coréens, ça aurait été justifié. D'accord, mais il aurait fallu justifier la disparition de ce soldat. Ils auraient dit quoi ? C'est-à-dire qu'il y a deux mecs du sud, oublie pas qu'il y a un contexte de guerre qui arrive. Bien sûr, mais pour moi ça justifie pas qu'il lui tire dessus. Moi le contexte de guerre justifie ça, c'est justement qu'il se retrouve non plus face à des amis mais face à des soldats, face à un ennemi, et que clairement tu le vois dans leur jeu, parce que vraiment je trouvais que les acteurs étaient très très bons, enfin, ils tiennent vraiment aussi cette tension, et qu'il est pris dans cette tension, et bah, il dérape quoi, et il fait ce qu'il a à faire en tant que soldat et il les tue. Okay, une dernière chose quand même. Je trouve qu'il y a très très peu d'erreurs dans le film. Il y en a une pour moi qui est presque impardonnable, c'est quand ils prennent la photo. Enfin, ils savent qu'ils sont... jamais personne ne doit découvrir qu'ils sont tous ensemble. Ils prennent une photo ensemble. Tous les quatre. Mais enfin, c'est profondément débile, quoi. C'est une photo. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Si quelqu'un la trouve, ils sont tous morts. Quel intérêt de prendre cette photo ? Non, aucune réponse. Bon, ça fait le plus beau plan du film, qui est le plan final, non, sur cette photo. C'est pas cette photo-là, juste ouais, pour... Il y a un très beau payoff. Là, ils prennent tous les trois devant les portraits des présidents. Ouais, c'est très drôle. Qui est assez sympa. Donc un payoff, c'est quand on implante quelque chose au début du film ou quelque part dans le film dont on va réutiliser plus tard. Et à un moment, ils se prennent... On voit des touristes qui prennent la zone en photo, dont les soldats. Et en fait, cette photo est réutilisée à la toute fin du film, on la voit et on se rend compte que dans ce cadre sont réunis tous les protagonistes du film et qui sont réunis donc dans cette photo souvenir entre guillemets, voilà, ça fait une très belle fin, je trouve très très émouvante. Oui, c'était super bien aussi quand l'américain dit, vous voyez là moi je suis américain donc j'avais le droit de parler aux soldats américains, enfin aux soldats nord-coréens, et de me tendre quelque chose. Si j'avais été sud-coréen, j'aurais pu être condamné à mort. On termine sur ce film par le tour final. Marine, je recommande ce film qui était vraiment très très émouvant. Ok, Sarah ? Et pareil, je trouve que la comédie fonctionne d'autant mieux que c'est un film très engagé politiquement, finalement. Et bah oui, j'étais surpris, je pensais vraiment m'attendre à un film avec quatre homosexuels qui vivent dans la Corée quand j'ai vu la bande-annonce. Et en fait non, c'est une très belle histoire d'amitié, très sincère, et qui finit par un massacre, comme à peu près toutes les histoires d'amitié dans la vraie vie, quoi. On continue avec Tully, écrit par Diablo Cody, à qui on doit Juno, et c'est Sarah qui nous le pitch. Alors c'est l'histoire de Marlo qui se retrouve à la naissance de son troisième enfant en plein burn-out maternel. Elle est en fait déjà en dépression quand le film commence, sa famille ne roule pas sur l'or, son fils est autiste et son mari ne fait pas grand chose à la maison, d'ailleurs il est souvent en déplacement, quand il rentre généralement il joue aux jeux vidéo, bref, il ne voit pas que sa femme va mal. Donc par instinct de survie, Marlo accepte le cadeau de son frère et téléphone à une babysitter de nuit pour s'occuper du bébé quand elle dort. Donc Tully, c'est le nom de la babysitter, va complètement chambouler la vie de notre héroïne. C'est une jeune fille qui est drôle, qui est spontanée, qui va s'occuper du bébé mais aussi laver toute la maison et faire des cupcakes pour les enfants et même participer à un plan à trois pour relancer sa sexualité avec son mari. Donc comme tout ça se passe pendant les trois quarts du film, mais toutes les bonnes choses ont une fin et Tully décide de partir au moment où le bébé fait ses nuits, c'est normal, elle a fini sa mission. Marlo pète un câble et un accident de voiture, elle se retrouve à l'hosto et on découvre à ce moment-là que Tully n'était qu'un être imaginaire, inventé par elle pour survivre, et c'est son être, c'est elle-même plus jeune, puisque c'est son nom de jeune fille, elle s'appelle Tully Marlo, et c'est à ce moment-là que son mari prend enfin conscience de l'ampleur de la dépression de sa femme et décide d'être plus présent pour elle et les enfants. Exactement, Camille. j'ai trouvé que il y avait de bonnes choses dans ce film, mais que pour moi il y avait quand même un gros problème d'évolution du personnage, c'est-à-dire que, comme Sarah le dit, Marlo au début est en burn-out maternel. À la fin, elle est toujours en burn-out maternel. Elle n'en a parlé à personne. Bah non, non, elle a eu un accident. Non, en quoi elle va mieux ? Bah, elle parle à elle-même. Son gosse fait ses nuits. J'ai plus besoin de toi, mais en fait, elle a parlé à personne de son burn-out. Elle n'a demandé de l'aide à personne. Et bah non, pour moi, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, bah, qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec ce film, Diablo Cody ? En fait, je ne suis pas certaine. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, en fait. Bah, Sarah, tu peux peut-être parler un peu. Moi, c'est, pour moi, c'est surtout le sujet de la maternité. C'est là où je trouve que c'est assez réussi. C'est une maternité qui est clairement mal vécue, où elle n'arrive pas, finalement, ni à se connecter ni à son mari, ni à ses enfants, où elle n'a pas fait le deuil de son être plus jeune, de ce qu'elle était avant, de sa vie d'enfant sans enfant, où elle avait un corps parfait, où, en gros, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et c'est intéressant, et c'est tout le paradoxe de la maternité, de elle l'a voulu, c'est son rêve, et en même temps elle déteste ce qu'elle a voulu, et elle est coincée dans une situation que elle-même a créée. Et ça, je trouve ça assez beau, et surtout c'est traité de manière très réaliste. On nous épargne rien de ses problèmes après l'accouchement, à ses montées de lait, aux 12 000 couches qu'elle doit changer la nuit. Donc je trouve que ça, c'est un sujet, il passe pas à côté de son sujet pour moi. Oui, oui, l'actrice a pris du poids exprès pour le film, et honnêtement, on voit complètement son désespoir, et elle n'a plus de vie dans les yeux. C'est la performance de Charlize Theron est vraiment extrêmement efficace. Mais effectivement, on a l'impression que les intrigues, en fait, dans le film ne sont pas nécessairement bouclées. C'est-à-dire que, par exemple, son gamin, Jonah, qui est clairement autiste, nous allons dire, il est autiste et personne ne le voit, personne ne dit un mot sur ce qu'il a, on dit juste qu'il est un peu curieux. Bah non, il est un peu singulier. Pour donner un exemple, à un moment donné, ils sont dans une voiture et elle veut se garer, et l'enfant, en fait, déclare que ce n'est pas le parking où il se gare d'habitude, et pète un plomb et commence à hurler parce qu'il veut absolument que sa mère se gare dans leur parking habituel. Non, ce n'est pas un enfant normal, ce n'est pas un enfant un peu curieux, c'est un enfant qui a des problèmes. Oui, en tout cas, il a des symptômes autistiques, oui. Et personne ne met jamais le doigt dessus, et à la fin, ça ne change rien. Ouais. Elle n'arrive pas, en fait, à se rapprocher de son enfant, pas vraiment, oui, c'est artificiel. Quand elle lui fait un câlin, tu dis non, mais rien n'est résolu à ce moment-là. Oui, on ne sait toujours pas ce qu'il a. Elle ne le brosse plus, du coup. Et à la fin, il y a une progression, on dit, est-ce que ça sert à quelque chose ? Pour mettre le contexte, c'est que le matin, elle brosse son fils pour qu'il ne soit pas trop... je sais pas, sensible. En fait, elle a vu sur YouTube que le brosser avec une petite brosse, parce qu'il a 5 ans, donc elle lui brosse les bras, elle lui brosse le dos, ça favorisait la connexion mère-enfant. Et tout simplement, elle comprend à la fin que c'était juste passer un moment ensemble et que ça suffisait, qu'elle n'avait pas besoin de le brosser. Mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 scènes avec la principale du collège, où est l'établissement où est le collège. Elle pourrait lui dire clairement, votre fils est autiste, hein, pour lui dire clairement. Mais là où vous oubliez une scène, c'est la scène où il doit changer d'école, et juste en une scène, il nous montre un prof, et on sait que ça va aller mieux pour le gamin, parce que le prof est adorable avec le gosse. Et il dit, ah, regarde, il s'amuse avec lui tout. Et là, en une scène, ils nous disent, ok, problème du gosse. Alors, je dis pas que ça suffit, mais sur une scène, ils disent, ok, le problème du gamin va être résolu, parce qu'il va être dans une école où ça va bien se passer. Mais c'est très artificiel, parce que tu peux pas résoudre, avec juste une pauvre scène avec un prof qui a juste eu un enfant. Non, mais c'est ça. C'est l'enfant qui a peur des chasses d'eau, et qui commence à piquer une crise, et il y a un prof qui intervient pour le calmer. Cette scène ne suffit pas à diagnostiquer exactement ce qu'a l'enfant, en fait. Je n'ai pas dit que ça suffisait pas. Je lui dis que l'intrigue est bouclée de cette façon. Et là, on revient au problème dont tu parlais, Camille, qui est que peut-être il y a trop de thématiques qui sont abordées. En tout cas, je trouve que ce qui fonctionne très bien, c'est le duo Tully-Marlo. Parce que c'est là, vraiment, c'est jouissif. Parce que cette Tully, elle a un grain, et elle apporte tout un grain de folie dans la vie de Marlo. Et du coup, même si on le voit venir de très très loin, ah oui, que c'est son double imaginaire, ah, moi je trouve qu'on le voit. Parce que moi, ce que je demande en premier dans un film, c'est être surpris, et je n'ai absolument pas vu venir. Ah non, mais honte à moi peut-être. Mais quand je m'en suis rendu compte quand elle était dans sa scène d'hôpital, et je me suis dit, ah ouais, non, je l'avais pas vu venir. Ah bon, tu penses que le plan A3, tu trouves ça extrêmement réaliste? Ah non, quand j'ai vu le plan A3, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas si c'est un plan A3 ou si elle le laisse coucher avec Tully, elle se met derrière, elle dit, je vais te dire ce qu'il aime. Ou c'est, non, parce que si on prend les bases physiques, si c'est vraiment elle, Tully, comment elle a fait pour rentrer dans sa robe, dans son costume de serveuse? Techniquement, elle pouvait pas. Hein. Peut-être qu'il était juste trop grand pour elle, parce que le fantasme de son mari, c'est de la voir en jeune serveuse, et du coup, elle remet le costume. En tout cas, c'est Tully qui le met. Et du coup, elle permet à son mari de coucher avec Tully, alors sachant qu'en fait, c'est elle-même. Oui. Mais je trouve que c'est assez bien fait. En effet, là où tu dis qu'on pouvait peut-être pas trop le voir venir, c'est que le mari ne voit jamais la babysitter. Oui, mais ça, justement, là, on va revenir au mari. On y croit qu'il voit jamais le mari, enfin que Tully ne croit jamais le mari, parce que le mari est caractérisé un peu comme un, pas méchant, mais comme un beauf qui s'occupe pas de ses gosses. La première fois où Tully vient, elle lui dit « Ah, je crois que la nouvelle babysitter est un peu bizarre. » T'as, mais n'importe quel père descendrait la voir. Tilly, qui est une meuf bizarre, qui est chez toi, qui est en train de garder ton gosse, descend. Mais non, et alors là, je vais revenir sur quelque chose qui, évidemment, je suis obligé d'en parler. Les jeux vidéo ont le mauvais rôle. Les jeux vidéo ont le mauvais rôle. Ça y est, pour caractériser quelqu'un qui s'occupe pas de sa famille et tout, évidemment, les jeux vidéo, il peut pas être passionné, je sais pas, par la littérature ou par la philatélie. Non, faut qu'il joue aux jeux vidéo. Non, c'est vrai que le rôle masculin du père est pas du tout mis en valeur. Attends, pour défendre quand même le mari, il s'occupe de ses enfants parce qu'il s'occupe des devoirs de ses enfants. C'est la seule chose qu'il fait. Hein. Oui, d'accord. Parce qu'à un moment, il dit. Il s'occupe pas de sa femme, c'est vrai. Pas du tout, en fait, il lui demande pas. Et effectivement, alors c'est peut-être le problème, c'est qu'elle allaite. Et en fait, ben, il se sent peut-être un peu exclu et il peut pas participer à aider leur dernière née, Mia. Je connais rien, mais enfin, elle passe son temps avec des pompes à lait. Ça veut dire qu'elle remplit des biberons. Il pourrait les donner, les biberons. Ah, totalement. Oui. Mais c'est vrai que c'est assez symptomatisé quand il dit « Je comprends pas comment ma femme a pu partir comme ça en laissant les enfants sans surveillance. » On lui dit « Mais vous étiez là. » Et il fait « Ah oui, c'est vrai. » C'est pour dire à quel point lui-même, en fait, à cause de leur problème de communication, s'est exclu de toute la maternité. Et de sa femme. Et à la fin, il ne communique pas plus d'ailleurs. À la fin, il l'aide à faire la vaisselle. Merci, hein. Merci. C'est super. Et ils écoutent la même musique avec leur. On est en communion. Voilà, bah, alors qu'ils n'ont pas parlé une seule fois ensemble. Je veux dire, quand même, Marlo a des problèmes d'hallucination. Oui, mais. Elle devient schizophrène, puisqu'elle invente un être imaginaire. Mais personne n'en parle. Ça passe sous le tapis. Non, mais là où Kamutobi quelque chose, c'est que. Le personnage principal. Marlo va mieux pendant une période. Il le dit lui-même, quand ils arrivent à l'anniversaire de son frère ou je sais plus quoi, il dit Ah, je l'ai jamais vue comme ça, elle est souriante, elle chante avec son micro, elle va mieux. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de parler. Il dit Ah, bah, il l'a jamais vue, mais il se dit Cette Tully marche. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de parler. La scène où tu dis Ils auraient besoin de parler, c'est peut-être après l'accident. Mais après l'accident, oui, on est ça, déjà à 2 heures de film, parce que le film est un petit peu trop long. J'ai trouvé. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait dû avoir la scène de discussion. Mais pendant le film, moi je comprends que tout va mieux. Tout va mieux dans le film, donc il n'y a pas besoin de parler avec elle. Mais c'est un film sans doute qui est difficile à écrire parce que le personnage principal est très passif et n'a pas vraiment d'objectif. Celle qui a les objectifs, c'est Tully. Elle, c'est très simple. Elle est là pour rendre la vie de sa cliente meilleure, pour s'occuper de tout. L'autre, du coup, elle a juste à se laisser aller. Et ça crée des scènes pleines d'humour, mais... Du coup, c'est ça aussi, ça elle mène à ce problème d'évolution, c'est qu'elle n'a pas d'objectif clair, vu que son objectif, c'est pas de renouer avec son mari, c'est pas de rétablir les problèmes de communication, c'est pas vraiment de se réoccuper de son bébé. On lui met dans les bras et tout d'un coup, elle fait « Ah, j'ai plus de plaisir à avoir mon bébé ». Mais c'est grâce à Tully, elle, Marlo, n'a pas vraiment d'objectif. C'est pour ça que du coup, la fin est aussi décevante. Parce qu'en fait, son objectif, ce serait de reconnaître qu'elle a un burn-out maternel, mais c'est pas ce qu'elle fait. Bah, ouais, qu'elle est en dépression. Si, je suis désolé, il y a cette scène moi, que j'ai beaucoup aimée, la scène où elle est à l'hôpital et elle se rend compte que Tully n'a jamais existé et qu'il dit je dois y aller et tout. Il y a cette super dialogue où elle fait c'est bon, je vais apprendre l'italien. Fait non, tu vas pas apprendre l'italien, tu vas apprendre 3 mots et tu vas tout oublier quoi. Et elle lui dit au revoir, elle dit au revoir à cette personne qui l'a aidée pendant un moment. Et là, pour moi, enfin, je dis pas que c'est bien fait, mais c'est ça que la scène veut dire. Elle en a terminé, elle a résolu, elle fait oui, j'ai fait un burn-out, oui, j'ai inventé un personnage imaginaire et maintenant c'est terminé. Non, je suis pas du tout d'accord. Elle dit au revoir à l'ancienne elle. En fait, le fantasme qu'elle était, cette jeune fille parfaite, au cul parfait, qu'elle dit à un moment donné, elle lui dit au revoir en disant, en fait, exactement ce que Sarah disait en parlant du paradoxe, hein, elle veut ses enfants, elle voulait cette famille-là, et elle le regrette en même temps. Et bien là, en fait, à la fin, l'évolution, en tout cas, cette discussion avec Tully, c'est, ok, en fait, je le veux. Oui, c'est chiant, oui, c'est dur, mais je regrette pas, en fait, mes choix. Et c'est comme ça qu'elle dit au revoir, en fait, à Tully. Oui. Mais en fait, le burn-out maternel n'est pas du tout abordé. Ouais, bon. Bah, c'est abordé pendant tout le film. Non, je veux dire, il n'est pas abordé, il n'est pas conclu. Ah, d'accord, à la fin. Pardon, je me suis mal exprimée. Il n'y a pas de conclusion dessus. C'est vrai que le problème de Marlo, pardon, mais c'est un personnage mou. C'est-à-dire qu'elle a énormément de problèmes, mais elle n'a pas de passion, elle n'a pas d'objectif et elle n'évolue pas. Voilà, ça, c'est les principaux problèmes du film, si on doit résumer. Oui. Mais sinon, c'est traité de manière. La maternité est traitée de manière réaliste. Non, une dernière scène pour en parler, c'est le moment où elle rencontre son ancienne coloc avant qu'elle fasse son burn-out. Et elle lui dit ah comment ça va tout et plus tard dans le film Tully dit ah je viens de m'engueuler avec une ma colocataire et on comprend en fait que c'était elle j'ai en fait même pas pensé et ça c'était super bien fait et à la fin on fait ah mais d'accord elle ressasse tellement sa vie et que c'est pour ça qu'à la fin elle va la voir en disant j'ai eu tort de m'engueuler avec elle et je vais retrouver mon ancienne moi pour pour me réconcilier avec elle, parce que clairement c'était une cassure à ce moment-là. On termine sur ce film, tour final, Camille. Je recommande, il y a quand même des choses intéressantes, et si on n'est pas sûr de vouloir faire un enfant, et ben regardez ce film, ça va vous aider à faire un choix. C'est surtout trois, hein. Surtout le troisième. Sarah ? Pour moi, on passe un bon moment, mais ça décolle pas, le film. Bah écoute, moi j'ai bien aimé vraiment parce que j'ai été surpris par la fin que je viens de vous spoiler, donc du coup il y a plus gros intérêt à le regarder, mais non, honnêtement on passe un bon moment, c'est pas le film de l'année, mais si vous avez envie de voir Charlize Theron obèse sur une chaise qui arrive plus à bouger, elle est pas obèse, bon. Guillaume, oh, au début du film si, mais elle est enceinte, non. C'est normal, non. On termine avec Les Indestructibles 2, écrit par Brad Bird. Il a écrit tout seul, j'étais très surpris qu'il n'ait pas eu d'aide. Et c'est Camille qui nous le pitch. Donc, Les Indestructibles 2, parce que je n'ai pas vu le 1, donc pardon si je répète. C'est l'histoire d'une famille de super-héros, donc chaque membre de la famille a des super-pouvoirs, sauf qu'ils ne peuvent pas les utiliser pour aider la communauté, car les super-héros sont interdits. Parce qu'ils causent trop de dommages financiers et autres en essayant d'arrêter les méchants. Et donc la famille Parr, qui est donc la famille indestructible, ainsi que leur sidekick Frozone, est condamnée à ne pas pouvoir aider les autres et à garder leur pouvoir pour eux. Mais heureusement, ils vont être contactés par Winston et Evelyn Deavour, qui sont frères et sœurs, qui sont philanthropes et qui sont très très riches. Et Winston est fan des super-héros et il veut réhabiliter leur image auprès du public. Et du coup, Elastigirl, donc, qui est Hélène Parr, va partir en mission pour eux, pendant que Robert, monsieur indestructible, va rester à la maison pour s'occuper des enfants. Et donc c'est le parallèle donc, entre les deux. Elastigirl va se rendre compte au fur et à mesure qu'en fait elle a été piégée par Evelyn Deavour, qui veut en fait se débarrasser des super-héros et qui les déteste. Et Robert, lui, il galère à s'occuper du bébé qui a plein de nouveaux pouvoirs. Et puis à la fin, ensemble, ils vont combattre Evelyn. Très bien. Et gagner. Et les super-héros vont pouvoir enfin redevenir des super-héros aux yeux de tout le monde. Marine. Ah, c'est moi qui commence. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Déjà, je vais commencer par moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est le fait que j'ai trouvé que c'était un film qui s'adressait plus aux adultes qu'aux enfants. Déjà, j'étais très surprise de voir que le film démarre exactement là où se termine le premier. Donc c'est comme pour moi si on avait un film de 4 heures, comme s'il avait rajouté 2 heures à ce qu'il avait fait Brad Bird précédemment. Ça commence vraiment exactement, mais à la scène près, là où le film 1 s'arrête. Donc là déjà, c'était, ce choix m'a pas mal surprise. Et ensuite, sur l'ensemble du film, déjà on est très centré donc, sur l'intrigue principale qui concerne les deux parents. Donc effectivement, ce que disait Camille, la paternité, donc il s'occupe de ses enfants pendant que sa femme part en mission, et puis après il y a toute une thématique autour du méchant, enfin de la méchante en l'occurrence, sur le contrôle de la société, qu'on est tous des moutons et qu'il faut qu'on se réveille, et donc là on en parlera après, mais qui est le vrai sujet du film, sur qu'en fait on laisse les super-héros faire les choses à notre place, qui il y a notamment tout un très très long monologue de la méchante à ce sujet qui je me suis dit mais ce film ne parle pas du tout aux enfants. Alors c'est vrai qu'il y a deux intrigues, celle du petit, donc de Jack qui découvre ses pouvoirs, et l'intrigue de Violette qui est l'adolescente qui a donc son premier chagrin d'amour, qui sont là deux intrigues qui s'adressent plus aux enfants mais qui sont quand même assez ténues par rapport à l'intrigue principale. Et vraiment, moi, j'étais très surprise de la cible du film qui pour moi vraiment s'adresse aux adultes et pas du tout aux enfants, enfin pas du tout, pas moins aux enfants que le premier, en tout cas. Ouais, mais c'est du Pixar. Pixar s'adresse un peu plus aux ados adultes, ouais, qu'aux enfants. Mais là, c'était très étonnant parce que je trouve qu'ils ont inversé la tendance. C'est-à-dire que là, clairement, d'habitude, on a un second degré qui va s'adresser aux parents et la globalité du film est vraiment très accessible aux plus petits. Alors que là, c'est vraiment l'inverse. On a deux sous-intrigues qui sont assez ténues, qui sont plus pour les enfants, mais par contre, le reste du film, le 70% du reste du film s'adresse aux adultes. Non, je suis d'accord avec toi, la thématique et le scénario général s'adresse s'adresse aux adultes. Mais les enfants vont adorer. Il y a des explosions partout, il y a des super pouvoirs, il y a les trains qui déraillent, il y a des bébés qui font des roues en feu. Je suis sûr que les gosses vont adorer. Il y a moins de comédie, moi, quand même, je trouvais. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas ri vraiment, à part sur Jack-Jack, qui est hyper bien animé. Enfin, il a vraiment des têtes, des petits sons. Il y a beaucoup de gags avec, avec la manière dont il se transforme, parce qu'il a des pouvoirs vraiment très, très cool. Mais à part ça, justement, moi, je m'attendais à plus de comédie. Et vraiment, j'ai pas trouvé les gags auxquels je m'attendais, mais ça en fait pas un mauvais film. C'était juste surprenant, en fait, sur la manière dont ils ont changé leur approche, quoi, j'ai trouvé. Clairement. Je suis d'accord sur l'équilibre qui est différent des Indestructibles 1. Par contre, pour la comédie, je trouve pas qu'il y a moins de comédie, c'est que la comédie est plus adulte. En fait, c'est plus basé sur des dialogues, sur des références d'adultes, et moins sur du visuel et des références auxquelles les enfants peuvent se raccrocher. Moi, ce que j'avais à dire principalement, c'est que je trouvais que le film était trop long parce qu'ils avaient voulu mettre trop de choses dedans, tout simplement. Ça parle de famille, ça parle d'émancipation féminine, et ça parle de la société qui laisse complètement le pouvoir à des entités supérieures et qui sont complètement déresponsabilisées et qui ont l'illusion du choix. Et en fait, oui, on se dit que il y a eu un manque de choix là-dedans, ce qui fait que le film est très très très gonflé, en fait. C'est ce qui m'a gêné principalement, et qui a créé quand même un moment où même si c'est extrêmement bien fait et tout est très, très manifestement très bien planqué, il y a eu cet effet de c'est un peu, c'est pas indigeste, mais c'était un peu trop, voilà, c'était un peu foutraque. Ouais, tout à fait. Donc, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Et pour moi, en tout cas, ce que j'ai compris de ce que voulait dire le film, c'est qu'il y a un moment donné où Evelyn, la méchante, l'explique en fait que donc Winston, son frère et elle ont perdu leur père parce qu'il y a des malfrats qui sont rentrés chez eux, et que plutôt que de s'enfermer dans la chambre forte, la panic room, le père de Winston Evelyn a décidé d'essayer d'appeler les super-héros, mais il n'a pas réussi à les joindre. Et pour elle, il est mort à cause de ça. C'est-à-dire que pour elle, les héros te rendent plus faible. Et donc, grosso modo, ça voudrait dire que le film 2 dit, est-ce que demander de l'aide te dessert ou t'affaiblit? Et ça aurait pu être très intéressant, parce que justement, Robert galère tout seul de son côté avec les enfants, mais pas une seule fois. Il ne demande de l'aide, en fait. Bah si. Il va voir Edna, mais pour une autre raison. C'est pour contrôler les pouvoirs, mais il dit pas, non, je galère. Non, il n'en peut plus du gamin, tout ça. Bah voilà, il le dit pas à sa femme, en fait, il ne le dit pas. D'ailleurs, sa femme découvre comment ça, j'ai loupé le premier super pouvoir de mon fils. T'as loupé les 17 premiers, en fait. Bah voilà. Il ne parle pas, et elle de son côté non plus, en fait. Elle essaye, voilà, de montrer que c'est une femme forte et qu'elle va y arriver toute seule, et elle demande pas l'aide. Donc en fait, peut-être que la réponse c'est on n'a pas besoin de demander l'aide, on y arrive très bien tout seul. Parce que la fin du film boucle un peu cette histoire, et c'est là où ce sujet était vraiment intéressant. S'il l'avait poussé et mis plus en avant, ça aurait été encore mieux, je trouve. C'est que c'est les enfants, en fait, qui débarquent, c'est ça, et ça fait depuis les Indestructibles 1 qu'elle leur dit jamais, jamais, jamais n'utilisez tes pouvoirs, vous restez en dehors, c'est papa et moi, on gère. Et en fait, là, ils viennent, mais c'est ce qu'ils avaient déjà fait dans le 1, ils viennent à la rescousse, et c'est eux qui sauvent la situation. Hein, parce que bon, après, il y a un combat avec les adultes qui reprennent les choses en main, mais c'est quand même les enfants qui dénouent. Parce que donc, ouais, la méchante leur met des lunettes, c'est l'hypnotiseur, en fait, le méchant. Et donc, tous les adultes deviennent des antagonistes, deviennent à la solde de la méchante. Et c'est eux qui arrivent à leur enlever ces fameuses lunettes. Donc, et elle reconnaît à la fin, Elastic Girl, que, bah, en fait, oui, elle a besoin d'aide et qu'il ferait mieux d'agir en équipe. Mais c'est vrai que sur la thématique du film, c'était vraiment intéressant de voir comment tu peux remettre d'un côté, on a donc les humains, les sans-pouvoirs qui remettent leur vie dans les mains de ces super-héros, mais qui du coup sont, effectivement, est-ce que ça te dessert, est-ce que finalement tu te laisses gouverner par des gens plus forts que toi, et en même temps on a aussi ce personnage de Robert Parr, de Monsieur Indestructible, qui ne demande jamais d'aide et qui fait toujours tout lui-même. Et d'ailleurs, c'est vraiment sa caractérisation, parce que dans le 1 et dans le 2, il est tout le temps en compète avec sa femme, il veut tout le temps montrer que c'est lui qui assure, que c'est lui qui peut tout faire tout seul. Donc c'était intéressant, mais comme disait bizarrement, il y a tellement de choses dans le film que c'est noyé sous tout un tas d'intrigues. Il aurait fallu deux autres films derrière. Et que celui-là, à la limite, soit beaucoup plus rapproché dans le temps que le premier. Parce qu'on s'attendait à une ellipse, en fait. On s'attendait à ce que les enfants aient grandi. On s'attendait à... C'est ça, et là, comme il y a un peu une répétition de problématiques du premier, au lieu d'être utilisé comme des traits de caractère du personnage, par exemple comme Robert Parr, où effectivement, c'est celui qui veut jouer l'homme, qui veut être fort, qui veut pas se montrer faible devant sa famille. En fait, au lieu de juste utiliser ça comme de la caractérisation, et ben en fait, c'est reposé comme une problématique. Donc on a une impression de répétition par rapport au premier. Pareil pour l'émancipation d'Elastic Girl. Effectivement, elle est super bien exploitée et c'est hyper intéressant. Juste, en fait, ils en parlent déjà un petit peu dans le premier. Mais c'est pas le sujet, en plus, je suis d'accord avec toi, on aurait pu enlever cette partie-là. C'est vrai, elle est super bien faite, mais en fait, c'est pas vraiment le sujet du film, donc c'est un peu dommage. Mais par contre, à placer en point positif, moi, j'aimerais juste dire quelque chose de très très gamin, c'est que dans les scènes d'action sont extrêmement bien scénarisées. Oui. Et on oublie souvent, on se dit souvent que les scènes d'action, c'est une affaire de réalisation. Et non, ça n'est pas qu'une affaire de réalisation, c'est vraiment du scénario. Le combat entre la fille, que j'ai oublié, c'est celle qui peut se rendre invisible, et celle qui a les pouvoirs de Portal, et juste oui. Génial. Ouais. Alors Portal, c'est celle qui utilise des petites passerelles entre plusieurs dimensions pour, par exemple... C'est pas plusieurs dimensions, hein. C'est t'ouvres une porte et t'en ouvres une autre et ça lie les deux à n'importe quel endroit. Voilà, c'est ça. Tu cours dans une direction, elle ouvre une porte devant toi, exactement. Tu te retrouves à courir dans l'autre sens et t'arrives vers elle. Et quand elle devient méchante, parce que tous les personnages deviennent méchants à part les gamins pendant un moment du film, elle fait un combat vraiment mais épique contre la fille invisible qui est vraiment super. Je me suis fait avoir sur Tully. Mais là, on est d'accord que quand Elastic Girl arrête le faux hypnotiseur, mais ils ont fait une énorme erreur. Dès qu'il lui enlève ses lunettes, il fait « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Mais là, on a tout de suite compris que c'était pas lui, quoi. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils auraient pu faire simplement qu'il était évanoui ou quelque chose, ils auraient pu faire une espèce de faux suspense, là, tout de suite. Je pense que même les gamins, qui sont habitués à voir ça, en disant « Ah bah ok, bah c'est pas lui. » Donc du coup, on dit « On sait pas lui, ah bah, donc on va chercher qui c'est. » Donc ça diminue la surprise, qui est aussi, on l'avait deviné, qui était la sœur... Surtout qu'Evelyn, tu le vois un peu quand même. On le voit déjà un peu, mais en plus... Pas très net. C'était un peu maladroit, c'est vrai. Ça c'est sûr, mais après, pour parler des incohérences du film, pour rentrer dans le détail... On finira avec voilà, ça. Il y a quand même moi je trouve qu'il y a une énorme incohérence sur le fait que l'objectif d'Evelyn de la méchante, c'est que les super-héros soient bannis pour toujours. Sauf que c'est déjà le cas, en fait, au début du film. Et c'est bien pour ça que son frère vient en disant « Je vais vous réhabiliter ». Donc, à la limite, effectivement, l'objectif de la méchante aurait dû être d'empêcher son frère d'agir. C'est ce qu'elle aurait pu faire extrêmement facilement en hypnotisant son frère, voilà, peut-être. C'est-à-dire que les choses auraient pu être réglées très très vite. Mais donc, je trouve que là, déjà, sur l'ensemble du film, en termes d'intrigue, ça ne marche pas très bien. Et puis, il y a aussi ce début d'intrigue. Mais ça, c'est dû au fait qu'ils ont démarré exactement là où l'autre se terminait, avec je ne sais plus comment il s'appelle, le démolisseur. Voilà, qui disparaît, donc ils lui disent d'ailleurs, Robert Parr, mais tu l'as laissé s'enfuir, maintenant il va continuer à craquer des banques, etc. Il ne réapparaît plus jamais, cette histoire n'est jamais bouclée, donc c'est étrange, on se dit, est-ce que c'est pour le 3, mais non, mais justement, il va finir le 2. Moi j'ai trouvé ça bien, parce que justement, dans ce genre de film, comme ils sont construits tous les James Bond, James Bond commence par une fin de mission, et il réussit. Là, pour une fois, il rate. Et moi, ça m'a fait plaisir de voir enfin un méchant gagner, quoi. Il arrive à battre les Indestructibles 2, il arrive à se barrer, il est indemne, et en plus, il se barre avec le fric. Mais il y a peu de conséquences, c'est dommage. Alors, c'est pourquoi pas, mais il y a quand même. Oui, il y a peu de conséquences internes, je trouve, sur Robert, parce que sur Monsieur Indestructible, ça aurait pu être intéressant de filer vraiment qu'il a failli, il a laissé s'enfuir cet homme taupe. Et justement, bon, finalement, ça le touche peu, c'est peu filé. Mais pareil, comme d'habitude, il y a énormément d'intrigues et c'est difficile. C'est difficile de toutes les suivre. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de remise en question de Robert par rapport au fait qu'il ait échoué dans sa mission. Il considère qu'il a toujours raison, qu'il devrait toujours aider la communauté. En fait, de bout en bout d'ailleurs, ça ne change pas. Mais c'est sa caractérisation. Mais là, justement, ils auraient pu dire si on s'était tous occupés en famille, on aurait pu réussir à arrêter l'homme taupe. Et on en revient sur... Oui. Mais le problème, c'est que comme je ne sais plus lequel d'entre vous a dit ça, c'était déjà la morale du 1. La morale du 1, c'était bossons tous ensemble et on arrive à faire des choses merveilleuses. Et dès le début du 2, bon, les gamins, tout ce que vous avez appris il y a 5 minutes, vous l'oubliez, papa et maman vont s'occuper et échouer. Okay. On arrête là. Sur ce tour final sur ce film, Camille ? Je le recommande. Personnellement, mon intrigue préférée, c'était avec Jack. Il est extrêmement génial, mignon. Il est très drôle. C'était très réussi. Il est un peu saoulant au bout d'un moment, non? Ah non, je trouve ça super. Non, j'ai tellement trouvé ça génial de revoir Edna, ce personnage absolument merveilleux. Elle me saoule aussi. Ah, j'adore. C'était, ok, Armand. À voir absolument malgré tout, parce qu'il y a énormément de scènes de famille qui sont extrêmement drôles et on a beaucoup de plaisir à revoir les personnages parce que voilà, ils sont géniaux. Ok, Marine. Oui, même si c'est un peu une redite du 1, vraiment à voir parce que c'est plein de bonnes idées, c'est vraiment super à regarder, c'est bien scénarisé malgré quelques incohérences, mais bon, c'est un bon film. Le scénario est un peu foutraque, mais l'animation est tellement belle, comme tu dis Armand, les scènes d'action sont tellement bien que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de le voir. On termine avec les courriers au fuyer de la semaine. Camille ? Je n'ai pas de recommandation cette semaine. Rien cette semaine, d'accord Armand ? Je dirais courez voir Bunaimin qui s'appelle le chinois marrant, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, et qui a une touffe de cheveux absolument improbable, qui en fait à mon souvenir est quelqu'un qui n'écrit pas ses spectacles, qui s'en souvient, il les refait un peu au fur et à mesure, donc il y a quand même pas mal d'impro. Il est de plus en plus marrant, il est de plus en plus dingue. Est-ce qu'il est de plus en plus chinois aussi? Écoute, à voir au spectacle, je ne sais pas. Mais il faut beaucoup de blagues sur les Chinois. Oui, c'est vrai. Ok, Marine ? Moi, je suis un peu à la masse, mais je viens de découvrir Last Man, parce que là, il est diffusé sur Netflix. Ah, oui. C'est vraiment super. Je vous conseille de l'animation. C'est des épisodes de 12 minutes. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est pas, ils n'ont pas simplement adapté la BD. C'est un préquel. Je trouve ça assez sympa de se servir d'une adaptation dans un autre média, mais de faire une autre histoire et voilà, d'un autre pan de l'histoire de Last Man. Donc, je vous conseille. Ok, Sarah ? Oui, courez sur Netflix voir la deuxième saison de Anne with a Knee qui vient de sortir. Et je rappelle que c'est une série canadienne écrite par des auteurs de Breaking Bad, adaptée d'un roman qui s'appelle Anne from Green Gables, qui a eu un succès phénoménal au Canada. Et c'est La petite maison dans la prairie en 10 fois mieux. Et c'est super mignon, enfin je vous la recommande fortement. D'accord, avant de recommander, je vais remercier un de mes amis qui s'appelle Donifan qui m'a aidé à mettre le podcast sur iTunes. On a tous les deux fait des études d'informatique, on a mis une journée à réussir. Donc voilà, merci à lui. Et ma recommandation, un jeu vidéo God of War qui est sorti maintenant il y a 2 mois et qui a eu 20 sur 20 sur jeuxvideo.com. Est-ce qu'il les mérite ? Probablement pas, aucun jeu n'est parfait, mais il est extrêmement bien. Le scénario est extrêmement basique, c'est juste l'histoire d'un père, d'un fils, la mère meurt, il faut amener les cendres en haut d'une montagne, mais le gameplay est merveilleux. Ils sont passés à une vue TPS derrière le dos de Kratos et il a troqué ses lames du chaos pour une hache et enfin, on sent encore plus la puissance des coups, les boss sont super et je le recommande énormément. On s'arrête là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes, n'est-ce pas Camille ? Et on vous dit à dans 2 semaines. À bientôt.